Je débarque en slip, claque un plus fort qu'un C4. Les palmiers sont moches mais je me sens superstar. T'as une armure, j'ai un caillou enchanté et des viewers en sueur prêts à me ressusciter. Je ramasse de fibres, je me sens architecte. Trois pierres et je fais une base aussi droite qu'un insecte. Y'a un ours qui campe sur mes coffres planqués, mais je lui laisse, j'ai mis que des slips enchantés. J'ai tiré sur mon propre mur. La tourelle m'a souhaité bonheur futur. Russe, c'est pas un jeu, c'est une blague en boucle. Tu builds, tu farmes, tu crèves et tu recookes. Y'a un mec qui crie dans le micro local. Il traite du métal contre un sandwich halal. Je lui ai filé un seau et une pioche en plastique. Maintenant on est mariés contre un rustique. Break, break. Le sol s'effondre sous mes pompes. Fake, fake. J'ai confondu ma grenade et une pompe. Viewer en feu, moi en slip sur la scène. Si t'as pas rage qui, t'as raté la plaine. J'ai volé un hélico avec une cuillère en bois. J'criais I believe I can fly comme un roi. Le clan m'a banni pour utilisation non conforme. Mais j'ai drop mon beat, ça les a rendus informes. Ouais, ping, j'ai headshot un noob avec un bâton. J'fais danser les viewers comme des glaçons. Rider skill te drop une vibe de survivant. Mais version camping, mojito et hurlement. La basse s'effondre, c'est le rythme qui veut ça. Mon four s'est mis à rapper, j'l'ai signé sur un label. Y'a plus de logique, juste du son en slip. Et un ours qui twerk sur un beat bien tight. Slow caisse aérienne remplie de gâteaux. J'ai loté un sniper et un tricot. Explosion de rire dans le chat vocal. VOR en PLS, streamé en festival. L'été c'est maintenant. Sur Russe on t'humilie. Mais les